Je me suis Aydon Armand, né en 1911 à Modaf, résident Modaf, les Goths, manœuvre maçon, acheteur et transporteur de bois pour la rouillère et agriculteur. Témoignage recueilli en 1979 par messieurs de Chêne et Mikils. Et puis les jours du capote, on fait le compte meilleur. Et pour finir, il n'a plus pour passer. Et je suis engueulé, ça l'a carte de nain. Et on m'a vu me toi servi. Et il me fallait faire le gros terre à ta barbe, mais il n'y a pas de là. Et puis maintenant, j'ai un camarade dans ma main. Je voulais voir du plus. Et j'ai tout servi la maçon à Régissa. Oui. À Régissa, à la fabrique d'Alveil. Marseille, ça l'a Régissa. J'ai tout servi la maçon 4 mois. C'est ce qui a servi les maçons. Ah ben, on fait une know-how et on répare et fait le fabrique. C'est ce qui remet une brique ça, et remet une brique là. Et on a vu des maçons pour la réparation de la fabrique. Mm-hmm. Et il passait combien de minutes avant maçon, avant c'est un meurtier qui a une brique. Et on l'a vu, on l'a dit, parce qu'on gagnait des pines. Et c'est ce qui va le mis. Elle a demandé de travailler là. On gagnait combien? Ah. Pour finir, c'est avec déjà 5 francs 25 à l'heure qu'on y fait ça. Et qui en est, cela? On fait 6. 26. On fait 6. Et vous ouvrez des minutes à vous? Quand il fallait faire des minutes, il me fallait des parce qu'il fallait qu'on mette tout ce qu'il y avait là. Et cela, il fallait que j'aille mettre aussi, mais j'ai vu plus le dimanche. Mais il fallait l'enveloppe sont off, ça va être 500 presses, c'est une autre, parce qu'ils ont dit le barrage. Pour les pareils, ça. Ah oui, ça, même ma machine, il fallait que ça traite. Ah ouais. Voilà. Il fallait qu'on prenne tard le master, c'est une économie. Il fallait sur là. Je me rappelle bien qu'il fallait. On scule le mode quand j'avais des pantalons lignés et des pantalons restants nus. Ouais. Et bien, ça, c'était toujours discuté. Non, ce qu'on me demandait, Frédéric, mais j'y allais pour elle parce que. On gagne des peu à dire que je suis pas réordonné Frédéric, mais on ne discute pas de dire on dirait que des heures comme vous. On mettait de. On faisait mettre des bancs une fois par mois. On mettait des vieux morceaux de morceaux de croûton là. Et tous les enfants défilaient du village pour avoir un croûton. Ils pouvaient mal de laisser une miette pour un oiseau. Hein. Ils mouraient de faim. Hein. Il y a le charbonnage, ça. Ils partaient à 6 heures et ils revenaient à 6 heures du soir. Pour 6 heures. Et les gamines à leurs pieds, si c'était à 2 heures pour aller à leur travail, ben elles commencent à 6 heures, elles partent à 4 heures du matin, en fait. Ouais. Et on était à un certain moment, ils allaient bien nus. Et il fallait encore, avant les mères, les mamans, avant de. Elles allaient dans le terril ramasser du charbon et aller à Saint-Guilain, la petite ville à côté, vendre leur charbon pour avoir un peu de sucre ou une paire de sabots pour les gosses. Et les hommes buvaient, c'est fatal, avec une vie comme ça. Quand ils revenaient, ils choisissaient la quinzaine, hein, ce qu'il y avait dans une main. Ça, c'était pour y voir si elle tombait bien. C'était bien, en fait. Oui, j'étais malheureux. Hein. On dit qu'ils sont grossiers, les mineurs. Mais il faut qu'ils soient abrutis avec une vie qu'ils faisaient. Parce que maintenant, dans le charbonnage, c'est modernisé. Ils ne travaillent presque pas. Ils travaillent, oui, ils travaillent, mais ce n'est plus le travail de, hein, avec tous les outils perfectionnés. Ils ont quand même beaucoup plus facile. Et alors, ça, quand il y avait un coup de grisou, c'était une solidarité complète. Hein. Même entre ennemis. Même entre ennemis, hein, ça, ils se tenaient vraiment la main. Oh oui, ça, oui. Et où il y avait une catastrophe, quand on venait à mourir, on a déjà vu des maisons, une maison qui s'est affaissée. Parce que le sous-sol, il est complètement. Ce sont des galeries en dessous. Hein. Et la maison s'était effondrée. Mais au soir, il y avait des paillasses, il y avait des vieux lits, il y avait de vieilles casseroles. Tous les voisins, même les commerçants, on avait racheté des marchandises. Tout en se disputant si on était ennemis, mais on le fait, enfin. C'est une chose, je ne sais pas, qui n'existe que dans ce métier de mineur. Les anciens mineurs, je ne parle pas des étrangers, tout ça, ils n'ont pas la même mentalité. Ça. Ils n'en peuvent pas, les gens, mais c'est pas pareil. Ils ont trop travaillé durement, être trop malheureux, alors ils se resserraient, ils essayaient de s'en sortir l'un l'autre, en fait. Oui, à l'école, il y a beaucoup de gamines. Je parle de l'ancien temps. qu'ils allaient à pieds nus à l'école en été, hein, pour ne pas user des sabots. Et s'il y avait un sabot de corset, ben on mettait le sabot du même pied, mais il devait s'arranger avec le pied qui allait par là, pour faire refaire une paire. Ils étaient malheureux, hein, vraiment malheureux. Exploités vraiment. Hein. Est-ce que vous parlez à l'école en wallon? Vous parliez wallon à l'école? Non, en pension, on parlait français. Avec vos parents, vous parliez wallon? Non plus. Oui. Ils parlaient français? Oui. Et entre eux, ils parlaient wallon? Non, toujours en français. C'était dû à quoi ça? Ils n'étaient pas d'origine? Non, ils venaient de la campagne, mais chez mes grands-parents, c'était un grand commerce. Je veux dire, ils étaient plutôt aisés. C'est ça. Et puis ton grand-père, c'était un français? C'était un Français, mon grand-père. Voilà, c'est ça. C'est de là que vient. C'est de là que vient, oui. Après maçon, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, ben, il y a travail, Charles. On travaille, Charles. C'est une sainte. Mes papas ont vu mon retour et mes mamans, mes bennes, nous avons, Charles. C'est une sainte. Parce qu'on active des bruits. Non, c'était plutôt le bois qui faisait. Adam, les bois, Adam. Mes papas faisaient déjà le marteau de bois. À lui, le marteau de bois, pour toutes les houilles de bois, par exemple. Et nous, c'était bébé, des directeurs et tout ça, qui ont tout dit, nous, Charles. Ça fait qu'ils nous ont dit que nous pouvions être d'acheter, qu'on s'est même d'acheter. Ils nous ont pris des vents d'acheter, vous comprenez. Et nous avons une petite tolérance. Et nous avons cette volgine. Cadon, on a le bon que Mathieu, mais maman a vu la chose, elle a vu le piton, elle a vu faire nos sports, elle a vu descendre. Je suis dans l'aile, je suis dans l'aile et tout. Mais on a le bon que Mathieu qui a fait faillite. Et nous avons tout mis, plus petit, et mon frère a vu que ça donc à travailler dur. Et mieux, il fallait starter, et mes sourds, tout fallait. Mes sourds ont déjà starté au pion. Elles allaient être avant le verre, là. Et il fallait frémir. Si on avait pas 2 francs 45 d'Éthiopion, c'est une à 2 francs 40, ça allait mettre le top, non? Pour nous acheter, pour bien manier, et bien mousser, c'était tout. Mais il fallait. Elle l'a acheté, j'ai dit, aussi j'ai dit, c'est une question pour le plus. Je le dis là, mais. Tu canailles? Non, non, canaille, mais j'ai dit, c'est pour plus de viande là, mais. C'est pas bien, non? Oui. Oh, il fait question. Il active les bois, oui. On acheté sous là. Au baron Vierge et mon. À Vierge, c'est tu. Et j'étais bien vu. J'étais honnête, mon vieux, mais même aussi. Dans un endroit où on m'a tout, on fallait venir. C'était de l'eau. Ah oui, on était 2 hectares ou 4 hectares. Comme papa, moi, on a vu 3 hommes qui travaillent, on 22. Mais on a vu une des papas comme vous, j'ai mis piètre. Non, on n'a pas eu 3 hommes. On a vu des quinzaines, d'avoir parti j'ai brûlé des papiers. Des quinzaines, 225 francs. À qui n'en est-il? Pas surtout. Oh. Quand est-ce qu'il est mort, votre papa? Il est mort en 22, ça fait 17-18, ça. Hein? Je me rappelle de mon papa qui a dit à Stoumine une tierre de moussard. On cuvait, on fait des pains, on costait, toutes les hasbats, il fallait des moussards, on est des bois là. Et il y a quand vous voulez des papiers, les voisins qui tiennent rien pour mon papa, qui me diversaient, là des cloquilles, et allaient à prévenir le boulet, mais une 5 moussards, pour 7 freins de mai, avant mon char, on y va. Il fallait qu'on ait un franc pour se faire coupler à 2 poêtres, comme on dit. Et quand les bures de gouttes, ou un, pour venir à me virer du vent. Mais la femme travaille plus cool, ça. Et j'avais même pas ça fumé dans le matin. Et après le dîner, les corées des bois, et cure fait coince-poing. Après le dîner, là, elle bouille. Et qu'on rétifle, là. Et acheter là, pas d'une volée, c'est rétifle. Et pas d'une cigarette ou deux, je suis seul chose. Ça fait qu'on va comme ça, c'est là, des rues, là, comme ça, des rues. De temps à qu'on rétifle ou deux pougnettes comme ça. Mais ça, on a des cigarettes, des rétifles, mais ça, on a des corées, oui. Ah oui, ça. Et après, qu'avez-vous fait? Et après, les choses très étudiantes, dans le de mariage, dans le maréchal, tout sur vos mamans, et j'ai tout mobilisé, tout court. Et j'arrive nous. le 28 de juin, en 45. Et du shérif, quand on dit. Il n'a pas de trop, on petit loc, quand je suis pour gagner, c'est pour qu'il gagne, il faut la battre, mais même, elle regarde, il gagne des plus. Elle vient d'attaquer sur moi, d'après la sang, il y a vu. Mm. Et puis, lui, il m'a donné dans l'œuvre comme il pour lui, même m'a donné des choses, c'était bien, je ne parle pas. Il y a déjà une autre barre, mais il y avait là, mais elle est vieille, là. Elle me remet avant ton acquis, tu peux me tu n'as vu réellement, je me rebelle, elle n'avait qu'une pièce, 4-5 pièces. Elle a demandé de ramasser à 3 heures, on démarrait, faire boire ma vie, fallait retenir mes doigts. Et qu'elle a vu comme elle y va et qu'elle pleuvait. Mm. Elle baisa sa dos, des pains et des fromages et des bougours. C'est-tu un petit sens? Oh, un petit sens, mais petit, non? Ouais. Et puis quand j'en avais ma mère, j'ai vu que nous posions bien, j'ai vu jusqu'à 25 bien, quand j'ai fini, j'ai vu que 25 bien. Vous avez fait de la culture à vous? Ah oui, j'ai fait. Quoi? J'ai vu 7-8 hectares de fromage, de lavande. On peut que ça le ferait mal là, et on peut avoir ça. Et des pétrates. Mm. Ce qu'on dit, mais on s'est mis sur l'Allemagne. J'ai vu un petit semoyer. Et j'ai vu une livre, du soïf pour les gens. Mm. On fait flégeant, parce que c'est un livre, ça. Du soïf pour les gens. Et j'allais travailler, mais nous, on baignons dans une salle. Et fait tout. Et pas le temps, ça, il ne peut pas y mettre tout cela qui gagne. Ça m'avance chez Abraham, mais Altassin, il ne fallait pas y mettre rien. Pourquoi Altassin? Altassin, on paye les 13 qu'on dit, on paye ce terrain, les locations, parce que c'était des terrains d'amis, c'était des terrains dans le commun. Uh-huh. Tout le monde a vu 40 heures, ça. À ce temps-là, c'était 50 francs. Ça gâche 25. On dit 25, et vous avez 40 heures, tout le monde. Et vous l'occupez, et l'autre, elle reloue, en fait, elle reloue tout ça. Mm-hmm. Et j'ai tout dit avoir, il faut trouver la gueule. Mais j'ai tout dit, ben pas y la gueule. J'ai tout dit, on peut vendre d'autres, mais. J'aimerais régler pas ça, parce que tout le monde a envie de toucher ça. Mm-hmm. Vous avez dit un petit sémoir. Un petit sémoir. On mais rentrait pas, non, quand on allait dire à vous la gueule, on s'est mouillé, ouais, on rentrait, il a dit à vous ça. Ah ouais. Quand on s'est mis, c'est qu'on va voler faire tous les bras. Mais avant, j'ai vu acheter un petit sémoir dans le matin de mai, là. Pas que tu mets dehors. Quelque chose, on s'est mis bien au salon. Mais tu s'aimais bien moi aussi. Dans ma con, on m'a tout. Il me fallait s'aimer de Wessin. Il a vu Jules Delvaux, de Binamédia. Est-ce que moi, c'est bon, j'ai stupide, on ne fallait pas me demander, non? Est-ce que lui qui me venait s'aimer à ta copine? Et il me dit dans l'avance qu'il vient te dire s'aimer, non, je sais. Il dit Wessin, on ne savait pas s'aimer, il faut s'aimer à un monde. Ah ouais, je suis gardé là, mais. Ah ouais, je vais faire ça. Et il va mettre à votre stage ici. Une fois, elle fait voler ou assez ici. Et une fois, on est prêt trop là. Et il m'énerve ici. Parce qu'il vient de me ramener votre ici. Et Flouki, ça n'ira rien ici. Il n'a jamais semé nul pour essayer de semer ici là. Ouais, voilà. On se plaît, on travaille. Et je suis frère là. J'ai ramassé 5 kilos en terre comme ça, mais pas le bête, c'est pas le vieux. Il y a le tabac, ça n'est pas là. Mais... N'est-ce qu'il n'y a que ce qu'il a pas ça. Ça va qui va qu'énerver. Oh, ma sexy. On va boire un petit. Ah, 6 heures, voilà. À 6 heures matin. Ah, ouais, et il fallait manier 3 quoi de feuilles. Oh, ben oui, ça. Oui. On manie, mais on manie foutu, on manie ce n'est comme une avinette, là. On manie des fricassés. On dînait, on vous a porté. On est frédéré. À 2 heures, Michel. À 2 heures, peut-être, on va pas lui répéter ça. Ouais. On a le temps vesti, monsieur. Et pour ça, on trouve des pour ça. Il y a eu des sens sous-veil. Il y a eu des jambons. Merci. Plutôt sous d'Allemagne. On a laissé nos bottes comme ça. Oui. Voilà. Qui met où ils les pourcelles? On les brûlait. On les mettait là le cours. On allait faire fêtir. Pour les touer. Ah, avec ouais. Un masque. Comment que le touer? Ah, ouais. À vous savez. C'est une gamme, c'est une hep, comme on coupe en bois là. Ah ouais. Il me rappelle quand même frère, on dit, nous avions vu Alfred Moreau, et tout est pour ça. Et voilà, les frères qui sont là, mac. Mais ils bougent, on bouge comme un deux trucs. Non, il dit, ils ne bougent plus, elle va tout. Et voilà, on arrive. Et maman venait ramasser le sang, des chèques, elle mettait là-dedans, et on m'arrive cela, et on faisait des trucs. Mm. Mais en fait, maman fait de le dire, ça fait. On fait d'Albir là, ça. Ah ouais? D'Albir, ça. Qui met? Ah! Ça vient. Tu vas une grotte dire, elle fait d'Albir. Ah oui. C'est une maîtresse femme, votre maman. Ah non, les dieux, c'est ce qui peut faire nourriture. Et pour travailler, c'est une petite femme, pour ça. C'est ce qui fallait frapper, ça. Ma maman venait faire campagne, elle venait faire. Et sinon, elle venait. Déjà faire 80 heures de pétra, ça va m'amener dessus, là. Le matin, les railles, les ramener, et qu'on fait ses heures actuellement. Eh bien, c'est là où, mais c'est là que maman l'a fait, il l'a mal vu. Mais on a rêvé aussi, non, pareil qu'il n'a jamais rêvé aussi bas. Il a vu 10 dossiers, alpha, et tout vraiment, tout dit Dieu. Les mêmes que vous. Et les femmes ramassaient, à vous ne savez, et ramassaient, elles faisaient des diables. Et on les mettait là. Et après 6 heures, on l'ouïe tout, et elles les redressaient. Une femme qui a vu une femme, on lui a parti faire les fonds à la campagne pour les fonds têter en pot, et on a parti faire dîner. Le parrain, ou le chose, ou ce qui m'a messu, on lui a parti faire dîner, des semaines. Ah. Voilà. Et un livre dit 16 à 16. Alors, elle repérait là où Charles, et il avait, il me semble qu'il sait, ça aurait pu dire, mais 7 ou 2, 2, 7 différents. Il fallait faire tout là-haut, et il avait 2, 7 différents. C'est des journalières. Ah oui. En Wallon, ils venaient des journalières. Non, je suis des femmes. Des femmes d'Aou. Des femmes d'Aou. Des femmes d'Aou. Et il fallait qu'elle la laisse faire tout le loin. À vous dire, très vaccins, c'est des nocs plats là. Il fallait qu'elle la laisse une semaine ou quoi, je sais plus bien, je sais bien, mais. À vous les hommes, il fallait qu'ils fassent ce temps de loin, et les femmes, il fallait qu'elles fassent ce temps. Ah. Tu dirais ça. Et vous venez de dioser des poulies dans les, vers les bois. Des quoi? Des poulies. Dans les bois. Des poulies, oui. Pour... Qu'il fallait ftiffer. Ben. C'était pour les marchands. Voilà, un sac, à votre poulie, ça a 20 en trop. Eh bien, c'est une poulie, et j'ai monté une poulie, Charles, et j'ai passé en corps de vin, et ça n'est plus doux. Ça fait à la fesse. Il y en a deux devant, Charles, mais ça fait à la fesse du quatre. Ou il y en a jamais tout truc de poulie. C'est sur le travail des débardeurs, ça. Oh, c'est sur le travail. Oui, mais c'est débardeur, mais c'est poutière dit. Ah ouais. Parce que les débardeurs, ils étaient les six gros, on ne fait plus de six. Ils n'ont mal fait, ça, les débardeurs, c'est tout. C'est une si dure, ça. Mm. Allez, faire ce qu'il n'y a pas à faire, c'est ça. Potiergi sur des chérettes. La situation. Il y a dit de ça, je suis capable, mais je suis comme un racé quand je suis tout seul. C'est parce que je suis hardi. À monter tiers à la rue. Non? Dans l'oreille du bois là, non? C'est ton mur là, je ne sais quoi. Mais il y a des gradins de mur là, il là, non? Eh bien, vous me frayez. Je vais donc mettre un mètre, deux mètres, que c'était coupé, il menait sur le mur, non? Je dis à vous, mais qu'au sein, qu'il n'avait qu'une vraie passion sur le bord, là. On s'attelait fait une grande canne. Et les devoirs, c'est tout, ben, on saut des trois mètres, qu'il fallait qu'il poutasse. Mes frères, c'est petit, et ils discrétaient ces cannes. Quand ils étaient de mari, c'est parce qu'ils étaient morts, non, sûr. Même neuf, là, elle voyait des tirs. Jusqu'en bas. Comme une. À la vous Si la vie jamais tel qu'il en faut comme ça, il venait de se regarder des tirs là qu'on est. Mm-hmm. Et notre gardien, ça nous remontait le tir et nous ramener sur la strelle. Mm-hmm. Allez, fesse. Et quand il pleuvait, là, de vaisseau là. Ou quand il galait, là. Et me frère, il m'a fru sa main là. Et mais j'ai vu tout de même, moi, il venait, fesse d'aide, mais il y a eu des mofs. À vous tout est dit, alors que sur l'œil, que c'était bien suspect là. À peut-être même une image, là. Dans les cannes que j'allais avant moi. Du pouni de la semaine, la vie de moi et tout. De vite de moi, je vais pas tout faire pour te faire le fond de l'évent. Ah, des dieux. On y a un oui. Témoignage. Suite du témoignage de M. Haydon Armand, né en 1911, originaire et habitant Les Gottes, manœuvre maçon, acheteur et transporteur de bois pour la rouillère et enfin agriculteur. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par M. Mikils. Dès qu'on les met de côté, qu'on ne les mange plus, c'est comme du langage de nous. une charrette fait d'organiser une sacre pour un mot qu'il va dans. Non, mais c'est tout dit pour. Vraiment pour tout y faire d'une autre, se mortir d'une autre. Il n'y a pas de la haine, non. Non, et il n'y a que de ce qu'il y avait aujourd'hui le bataillita. Si je suis jamais le maillot du lit, il ne faut pas 50 ans le prix qu'on devait des affaires d'Hitler, qu'on a dit ça. Non. Eh bien, c'est qu'on décide, mais je dis, c'est un malin, mais c'est qu'on décide, ça, ça, mais pas fait ça. On devait acheter un souvenir, aller à cet autre souvenir d'un prisonnier belge français, tout le même, comme un de l'Allemagne, hein. Dans te dit, mille heures, ce qu'il y a là. On dit le communiste. C'est net, mais guérite, mais les Russes. On veut voir qu'on dit tout off, fait quoi. On dit voir qu'on dit tout off. Des femmes qui prétendent cuire du poussin, à vous tenir debout, aux arrières ou des chalarus, non, les yeux, beurlés comme ça. Quel mec qui tapait, il a eu 3 jours qu'elle avait manié. Il a tapé un paquet de biscuits canadiens comme ça. Elle s'est rien pour l'aide, il a eu après quoi, il a vu taper. Vous avez une histoire Stroutov, vous ? Il a repassé à la condition Stroutov, d'évacuer, nous avons repassé pour les conditions Stroutov. Accompagné d'Allemand, mais c'était un diamant, ça faisait. Parce qu'il devait un petit tic, ça fait. À ce moment-là. Il fallait être un. C'est tout au vide, non. Et pourquoi est passé par là? Ah ben, il nous a évacué un des Stablac, non. Dans le plus, et nous avons revenu pour un ami, et tout le coup, nous avons passé à cause du tuto. Avant lui, il l'a amené. Mais il devait un petit tic, ça fait. Et qu'avez-vous fait à vous? Oh non, déjà, il a fait. Quand il a revenu d'amener un oncle, des choses, ça. C'est même que nous voulons venir faire ça. Il y a eu un nom qui va aller sous la rue. Il y a eu quelqu'un qui arrive, même mon avis saigne ça. C'est un couteau ça. Hé eh? C'est un couteau. Un revolver. Un revolver. Ah. Et il y a eu des cartouches ça. Il y a eu des tuyaux au bouli, non, ça venait de lui prêter. Vous avez réussi à Stroutov? Non, non, moi j'ai réussi. Ben. Il pourra aller à l'Prus. Il n'a pas un mec qui revient à l'Allemagne avec le patron. Il dit, même il y a eu des kidnappés dans une année en l'air. Parce qu'ils n'ont jamais mangé nous. Dans nous, quand ils font des bénéfices à vous, en fait. Tout, nous avons dans l'évacuation, toutes les femmes qui se rassemblaient entre nous autres, qui avaient soigne. Parce qu'on dit que ben, les juifs font juifs, mais je ne sais pas trop. Ben, qui s'arrêtent, je ne sais pas faire le bain, mais les requis de tous, ils ne font juifs. Mais pour le reste, ils ne font juifs, non. Ben, ces femmes-là, elles l'ont nous, ils n'ont vu des juifs, c'est vrai. Elles ont réduit toutes les femmes enceintes. Ben, tu sais, je suis mandat, on s'y était fait ça. Hein. Eh bien, pendant qu'elle fois indisposée, on suivait des piqûres, et ils profitaient de ça. Alors, le chef bien, je ne sais pas. C'est bestial, ça. C'est toujours d'art, et c'est l'Allemagne, mais d'une art. Ça sera valé moins que le bête ne ferait pas des histoires. Jamais, il n'a fait ça, ça. Et j'arrive à mon camarade qui fait ça, je ne sais pas si il l'a honnêté, donc. Parce qu'il dormait, il n'a pas qu'il l'ait fait, ça. Mais elle faisait ça. Eh bien, il fallait dire qu'il est où, il fait l'année aussi. Parce qu'il a le vin, le prisonnier. Les gars devaient vivre aussi, les rouvages devaient vivre. Non. Eh bien, ce que ça permettait pour gêner, pour. Je ne sais pas, non. Ce qu'il dit, si ça vise tout pareil qu'il mit, eh bien, pour revenir de l'Allemagne, même les rats devaient se crever. Il les venait même les rats. À tout le temps. Parce qu'il est si comme passé, il y a une arrivée ou de ce qui. De l'évacuation dans le Pologne. Nous avons passé sur le lac là, qui met dans le Pologne des ligands bêtes, dans un lac qu'on passe 8 heures sur le glace, et il n'a voulu être tirette. Ça peut bien inévité, fait les Russes bombardaient, et sur le glace, une petite, qu'est-ce que tu, une bombe de vin, puis faire une petite glace, on peut dire l'hiver, mais quand tu as revenu les flics devant le vin, rouf, ça tout est. Pour l'instant, dans le Diran, ça, qui se méfiage. J'ai raté les huteurs à une pièce de 3-4 mètres devant moi, mais. Et on serait loïf. Mais on dit que j'enlève les ponts des vêtements, le mal, j'enlève les affaires, non. Non. Pour les sûrs, madame, arrêtez. Et il n'a pas vu ça, des tirettes qui ont été là. Toutes les familles, bon, bien sûr. Il avait vu vous lier dessus de nos autres. Nous étions là pour des sons, nos autres, qui se peignent. Comment tu te fais, nos autres, là? Il n'a vu rien faire, mais. Que ça arrête d'être qui est grand, c'est qu'il n'a fait tout comme ça, hein. On ne travaille, on ne manie. Parce que tu voulais faire manie, il fallait décoller ou il fallait frapper. Un mort et 5 ans là. Une la rue, donc. Ça, elle flamme un peu. Ils ont revenu de la flamme. Ils reviennent de la flamme. Ils revenaient plus vite que les Wallons. Oh, ils n'ont revenu en 48, ils en 42. Là. Non, tout ce qui est du flamme, même qu'ils avaient juste un poisson, qu'ils avaient joué, de la rue Saïe aussi, mais on ne sait bien pas ce que c'est du, non. Bon, parce qu'il y a une chose qui ont demandé quoi, comme un flamme, c'est le... mais c'est question pour des brûlures. Il y en a des gens qui n'ont pas encore revenu pour ça. Mais qu'on ne sait pas ce qu'il a là, on ne sait bien pas ce que c'est du, non. Parce qu'il parle flamand, en fait. Je ne sais pas dire ça. Je ne sais pas lire, mais qu'est-ce que tu là. Et nous avions un papier. Il était avec nous. Une magnifique n'a pas fait de la bagarre. Je n'ai pas eu une grosse veine au compte. D'après qu'on l'a stable. Je n'ai pas eu une grosse lame. Il y a eu un général français, un général Didier. Je suis quand tu dormais là. Qu'on va passer, que je suis quand on a très dîner de youth pull. Il a tout dit que tu évacues des vents dans l'autre parce qu'ils sont là vivés où là. Il n'a rien à voir avec le France n'est plus là. Tu n'as pas le fait ça, non. Pas le tenir courage, tu l'as dit. Il n'a rien à voir avec le France n'est plus là. Mais tu évacues des vents dans l'autre, pas quoi là. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais. On m'en a évacué le vandal, mais les 23 ou 24 de janvier, là, qu'on a évacué, là. Tal qu'on a mis, 11 h à mis. On a vu tout un con, on a vu des colis, on a vu sa haute colis, qu'on allait, là. Pourquoi? Mais parce qu'on a avant le dos. Le barman qui avait pris 25-30 kilos, qu'on a fait 10 kilomètres, 30 kilos avant le dos, là. Et elle n'y va, et c'est fini, là. Non, il prend des cigarettes et des chocolats. Il avait ce tout à peu craint de tout le monde. Il a vu des malades avec nous autres. C'est un petit chapeau bête qu'on est. Moi, ça a dit bien en général. Il y avait un petit char à quatre roues, là, de 20 mois. On a dit jusqu'à mettre un loquet dessus. Pour mettre nos sacs. Si on l'avait à vous pour démarrer des cons, on aurait été dit plus. Et un avion qu'il fallait qu'on l'adresse pour rater, là. Il est suivi à la télé, il est suivi de Corélie, il demandait pour mourir, et tu sais bien, il fallait faire. Je ne me disais pas. Il dit, je ne vais pas courir le char, non, il dit. Notre talon miniature. Elle avait un char, elle avait mis un petit char. Je ne sais pas, des petits chars, il devait avoir un ou quatre roues, là. Et des petites halles sont costées. Arrivant deux, très vite, plus long, matinalement, il remettait les téléphones, là. Il recoulait, hein. Il avait le char, il avait le visage, il a fait ici. J'ai vu ce que tu après, c'est ça. Maintenant, qui m'a pris sa police, tu m'as que dans le sens, et s'il a vu ça, tic-tic. Il voulait discuter, non, il s'est dit dans le même temps, m'a pris sa police, tu m'as que. Et les autres, ils me retiennent, et vous voyez, elles font 11 pièces parce qu'ils demandent une école, j'étais ici. Et j'ai vu ça sous la même pote, s'il avait vu ça la même pote. J'ai une fille, il faut poser ça. Si j'ai vu ça le costume, le char, je suis capable d'en dire, t'es prêt, t'es tard. Ça va, oui, ça. Elle est pardonnée, mais non. Il a devait aller plus vieillir à l'Allemagne qu'il se peindait, non. Mais bras, mais d'un jour, il se peint tout le même bien. D'une manière, il bouge, il sort de mon baston et va me faire un. Et l'infirmerie, là, de la cove, sur le con des choses, et l'infirmerie, là, ils ont mis là, ils estiment malade de Stablac, qu'ils venaient pas visiter et qu'ils font pugnal gueule, comme on dit. Quand on dit au moins à fond, on a fait ça. Parce qu'il y a une rue femme allemande, on a fait ça. Il m'a dit qu'il y a une nez. Mais en magnifique. Ah, ben c'est. Ah oui, on dit pour ça. Pour ça, mais. Pour ça, ça attendez. Tout le monde ici, parce que pour. Parce que pour ça, c'est le Hezbaï, dis-tu, ça que tu. Hezbaï, ça c'est dans le Hezbaï, ça. Mais ça, c'est le contre. Une âme de Farès, des gardiens de Wallon, et Hezbaï, ou Charles. Et ce même les Wallon. Les Hezbignons. C'est comme quand vous étiez déjà au Pays de Dordogne. Pays de Dordogne, c'est une école, c'est une école même Wallon. Vu que quand tu es, mon gars. Et il n'a qu'un des qui n'a qu'un seul Dieu du bon mon Dieu, qu'on lui profite. Mais c'est celui-là qui n'a des qui n'a qu'un seul. Avec notre nom, je ne sais pas quoi, mais je suis encore voir enterré. Mais Dieu va être que c'est ça. Comment ça, une vie? Ben, elle va venir pour rester. N'importe où. Ah oui. Non? Témoignage de.